Salut à tous, salut à toutes, bienvenue dans Non Essentiel, votre émission culturelle chaque semaine sur Radio No Culture, comme vous le savez, et comme on a commencé il y a 2-3 semaines déjà avec Sélénite, ici même à Bayonne, au Bar François, pour tout vous dire. Eh bien, on va faire connaissance d'un autre groupe, un groupe qui s'appelle, comment dire, avec beaucoup d'avance, La fin de la société telle que nous la connaissons. Nous sommes ici avec les deux guitaristes, d'un côté Chris, salut. Salut tout le monde. Et de côté Mathieu, ça va? Salut, ça va très bien, merci. Donc on va quand même parler des autres membres qui ne sont pas là. Donc Fanny au violoncelle, ça on va en parler quand même parce que c'est un peu la petite chose qui donne tout le sel à votre groupe. Adrien à la batterie et tu me parlais on a une nouvelle membre à la basse. D'accord, voilà. Qu'on rencontrera j'imagine sur les planches dans quelques... Exactement. Voilà, donc la fin de la société, hein, parce qu'on va peut-être pas dire le nom en entier à chaque fois, la fin de la société telle que nous la connaissons, c'est parti pour Non Essentiel. Non Essentiel, la valeur ajoutée de la culture, c'est cette fois l'industrie automobile. Du fromage. Non Essentiel. Jambon. On traverse un désastre, Nicolas. Coronavirus. J'aime Renault sur certaines chansons. Connard de virus. Donc la fin de la société, on est ici avec deux membres fondateurs. Est-ce que vous êtes deux membres fondateurs du groupe? Alors, moi je suis arrivé au deuxième concert de la fin de la société. D'accord. Voilà. Et Mathieu est arrivé un petit peu plus tard. D'accord. Voilà, le vrai fondateur du groupe, c'est le batteur, avec Fanny aussi. Pour info, Fanny avait 14 ans quand elle a commencé le groupe. Ah oui. Ouais. Donc, nous, on tient vachement au fait qu'on voit ça comme quelque chose de très familial, finalement. Mm-hmm. Voilà, on fait ça depuis qu'on est minots et on n'a quasiment pas changé. C'est vrai que le bassiste, là, maintenant, on a un nouveau membre, mais mm-hmm. C'est vrai qu'on a toujours gardé ce même crew, en fait. Voilà. Parce que, je ne sais pas si je l'ai mentionné, mais le groupe a 16 ans, je crois. D'après mes informations, ça a commencé en 2004. Alors en fait, la vraie histoire, c'est que ça a commencé en 1999. Voilà. Ah, ouais. Et là, on était minots. Ah oui, oui. Voilà, là, oui. On était minots de chez minots. C'était grossièrement, ça ressemblait, on va dire, à quelque chose de très borderline, proche de Didier Super, on va dire. D'accord. Ça comme ça. Avec un chanteur qui ne savait pas chanter, mais avec une volonté de ne pas savoir chanter. 4 feats avec Joe de Gojira. D'accord. Voilà. Fanny au violoncelle et le crew habituel. Quoi. Du coup, alors moi j'ai dû voir 2004 parce que je crois que 2004 c'est la date du premier, de la démo. Circle de tête est sortie en 2006. Ah, mais avant la première, avant ça, il y avait une autre démo. Ouais. Je crois que c'était 2004. Ouais. Donc, oui, c'est ça, excuse-moi. On peut parler de ce violoncelle. Comment c'est venu cette idée d'intégrer un violoncelle? Enfin, tu me disais que c'est Fanny qui a créé le groupe. 14 ans. Alors, le vrai créateur du groupe, ça serait plus Adrien. D'accord. Voilà. Il est parti finalement en fait, de quelques riffs guitare. Dans son entourage, il y avait Fanny qui faisait du violoncelle. Ouais. Ça s'est combiné comme ça. Fanny étant ouverte d'esprit, très rock, métal et compagnie, ben en fait, elle a suivi tout le long, quoi, voilà, tout simplement. Et elle fait partie du truc depuis la genèse et elle a adoré nous suivre. Et là maintenant, vous êtes toujours là, 22 ans après, si mes calculs sont bons. C'est incroyable quand même, 22 ans, ça fait, c'est long. Oui, tu nous mets un petit coup de vieux là, Mathieu. Hein. Désolé. Mais on a toujours l'énergie, toujours. Toujours la niaque, quoi. Toujours envie d'aller sur les scènes. Non, non. Oui, c'est sûr qu'on a commencé. On était plus ou moins ados, mais comme tous les groupes d'ados, on avait envie de faire de la musique forte, avec beaucoup de distorsions. Et on est resté des grands enfants. Et c'est ce qu'on essaie de toujours exprimer sur scène, quoi. Ouais. On parle du nom du groupe, La fin de la société telle que nous la connaissons. Alors déjà, j'aimerais vous féliciter, parce que j'ai rarement vu un nom de groupe aussi parlant. Espèce d'aspect fin du monde, apocalypse ou je ne sais quoi imminent que je trouve plutôt passé pour le coup, que je trouve vraiment très parlant. Ça sort d'où ça? Alors au démarrage du groupe, moi j'y étais pas, mais en 1999, dans l'ancien millénaire, justement l'ancien chanteur avec Adri, avec cette volonté de faire un groupe un petit peu punk à la base, c'était quand même une énergie un petit peu punk, donc il y avait ce côté un petit peu rébellion, mais je pense qu'il n'y avait pas que ça dans le nom du groupe. Au départ, il y avait une volonté de dépeindre une société un peu décadente déjà, mais pas forcément aussi une société qui termine, qui va vers le côté négatif, mais aussi vers le côté positif. Donc on peut le voir sous différentes facettes. Et on a toujours aimé ce côté un peu mystérieux du nom du groupe. J'aimerais parler de vos costumes de scène. Alors, nous avons Chris qui est un boucher. Oui. Nous avons Mathieu qui est un lapin. Parce que, boucher, je suis à peu près sûr, un lapin. Est-ce que tu es un lapin sur scène? Oui, on peut dire que je suis avec des oreilles. Oui, c'est un lapin. Oui, ouais. C'est un lapin. J'ai une petite queue derrière aussi. Ouais. Ouais. Ouais. Adrien à la batterie qui est Flash et qui a changé, je crois, récemment. Ah, il a pas mal évolué. Ouais, ouais, ouais. Là, moi, je l'ai beaucoup connu en Flash. Là, comment on peut dire maintenant steampunk, il est parti dans des influences un peu, oui, steampunk. C'est vrai qu'il a, voilà, une espèce de masque, un petit peu. Voilà, ouais. Il aime bien changer. Et Fanny qui est en princesse? Ouais, c'est plutôt une certaine Alice au Pays des Merveilles, oui, un petit peu, d'accord, une princesse. Ouais, elle a toujours un petit côté forcément féminin un peu marqué, mais fantasy, ouais, un petit côté fantasy, ouais. Et donc, est-ce que votre nouveau membre a déjà choisi son costume de scène? Oui, alors on est en train de faire plein d'essais et tout ça. Voilà, on essaye chacun d'incarner quelque chose de radicalement différent. Fanny, si elle incarne quelque chose de très fantaisiste qui pourrait vraiment correspondre à notre côté musical, moi je vais incarner totalement la brutalité du truc, qui est pas en opposition avec Fanny, mais c'est un peu le tout qui va, oui, c'est vrai, en opposition avec Fanny, mais c'est un peu le tout en fait qui va former finalement toutes nos influences et tout ça, quoi. Voilà, le batteur était très axé à un moment robotique et tout ça, ouais, parce qu'il utilisait beaucoup une batterie électronique, il retournait ça dans tous les sens. Et du coup, on en avait déduit que le plus logique, c'était de tourner autour de ça, quoi. D'accord. Moi, j'ai toujours gardé mon côté bouché. Après, c'est ce que chacun ressent, quoi. Moi, j'ai envie d'exprimer cette forme de brutalité sur scène et qu'il nous reste ça au moins, ouais, au niveau métal, quoi. En fait, voilà. Quitte à être hyper excessif, je me dis ça suffit qu'il y en ait un, quoi. Et si on était les cinq comme ça, ça serait peut-être moins intéressant. Ouais. Voilà. C'est quitte à au niveau de l'opinion, ça peut être bizarre pour certaines personnes de nous voir comme ça. Nous, on le vit bien comme ça et ça nous va très bien, quoi. Donc le but, c'est quand même d'incarner des personnages sur scène et pas vous-même. Non, mais indirectement, c'est quelque chose qui nous ressemble quand, ouais, même. Voilà, quelque chose qui nous ressemble, ouais. Depuis quand ils n'ont pas été lavés, ces costumes? Ah, ils sont lavés à chaque fois. Ils sont lavés à chaque fois? Ah ouais, ils sont lavés à chaque fois, parce autrement... je vais pas rentrer dans les détails, mais je veux dire, je remonte pas dedans. Tu as un tablier plein de sang. Ouais. Ce tablier-là, il a une, je crois, enfin moi je l'ai vu avec une main. Ouais, une c'est main, ça. Mais ouais, mais c'est de l'acrylique avec du café mélangé et tout. Et du coup, l'acrylique, ça part pas au lavage. Ça ouais, ouais, ah, mais ouais, obligé, ouais. Si, si, ouais. On va écouter une première chanson. Ça fait 8 minutes qu'on est en train de discuter. Puis les gens doivent se demander, avec tout ce que vient de dire, à quoi ça peut ressembler. Alors moi, je propose de commencer avec, je pense, une chanson qu'à l'époque, j'ai écoutée en boucle. Mm-hmm. C'est la plus vieille chanson que j'ai trouvée de vous. C'est évidemment A Party Odyssey. Mm-hmm. Que je pense c'est votre tube intergénérationnel. On peut dire ça comme ça, c'est gentil. On écoute ça puis on en parle après. C'est ça, ouais. Intemporel et ouais, ouais, c'est ça. Thank you. Donc Party Odyssey, qui est quand même une vieille chanson, je crois que c'est... Alors je sais pas si vous avez supprimé des choses de votre chaîne YouTube, mais quand, en tout cas maintenant aujourd'hui quand on y va, c'est la, la plus vieille, oui. Qui a 14 ans. Oui, ouais c'est ça. C'est bizarre c'est de ça. Voir YouTube 14 années avant. Vous pouvez me raconter l'histoire de cette chanson que personnellement j'apprécie énormément. Ouais, alors dans l'histoire de la composition finalement. Ouais. Ouais, ben... Le riff d'intro, en fait, c'est Adrien, le batteur, qui l'a trouvé. Ouais. Et en fait, on n'avait que ça. Bon, moi, je le trouvais quand même assez accrocheur, le riff. Et du coup, j'ai essayé en fait, d'étoffer ça. Parce qu'après, moi, je fais beaucoup de prod et tout. Donc, je me fais la batterie tout seul, des fois, avec le clavier et compagnie. Ouais. Et donc, en fait, j'ai essayé petit à petit de le structurer et arriver à trouver la structure qu'on a à l'heure actuelle avec plus de guitares, basse, batterie, quoi. Et ensuite, j'ai commencé à chercher en fait des petits solos à la guitare. On s'est calé un jour avec Fanny et Mathieu. J'ai essayé d'aiguiller un petit peu Fanny sur des solos qu'elle pourrait faire. Petit à petit, elle a commencé à faire des impros. Moi, j'ai eu tout un tas de pistes avec tout plein d'impros. Et finalement, en fait, là-dedans, j'ai coupé un peu dans le tas et je suis arrivé à placer des plans qu'elle avait joués à la fin, au début et compagnie, okay. Pour arriver à structurer ça. Voilà. Finalement la composition s'est fait assez vite si on veut, même si le riff on l'a trouvé quelque part des années avant, mais toute la structure du morceau, dès qu'on a commencé à s'engager dans le morceau, ça s'est fait assez rapidement par rapport à d'autres. Voilà. Et donc cette chanson elle apparaît je crois dans le tout premier, c'est un EP, c'est une démo, Circle c'est un EP, ouais. C'est un EP en 2006, ouais. Si je dis pas de bêtises, ouais. C'est 6 chansons. Oui. Elle était raccrochée à une autre partie, en fait. Elle bouclait la fin d'un morceau qui s'appelait Partie Odyssée, justement. De d'où le fait qu'il y ait écrit Partie 2 sur YouTube. Exactement. J'ai préféré, après, je le trouvais quand même fort comme passage. Je me suis dit, c'est dommage de l'isoler à la fin d'un morceau. Ouais. Donc voilà, en faire un morceau solo, quoi, finalement. Du coup, ce premier EP, 2006, comment s'est passé l'enregistrement? Où est-ce que vous avez fait ça? À la main. là, on a fait ça, Mathieu et moi, chez lui à l'époque. On a fait les prises de son nous-mêmes. J'ai fait le mixage. On a fait la compo les deux. Là, pas grand-chose de... Là, le truc classique, quoi. Circle aussi, d'ailleurs. Comment ça se passe en 2006 pour... Circle ? Ouais, pour Circle, c'est parti qu'en fait, Circle, je l'ai composé tout seul. Donc là, de A à Z, tout le plan, la structure du morceau et tout. Okay. Ça a été un élément déclencheur pour Mathieu, petit à petit, a commencé à trouver des plans pour d'autres morceaux. Et en fait, on a structuré tout ça et on a fait un EP. Donc ça, c'est mixé par moi-même et tout. Et c'est masterisé par Joe de Gojira. Mm-hmm. Voilà, on est allé à Gaillère, à l'époque, là où ils habitaient à Hondres. D'accord. Et donc, on était avec l'ingénieur du son de Gojira et Joe. Et donc, un super moment de partage. On a passé la journée là-bas. On y allait avec Adrien, le batteur, Mathieu et moi. Et on a masterisé ça dans la bonne humeur et la rigolade, quoi. Voilà, pour arriver à ça. Tu me disais que tu avais composé tout le EP, c'est ça ? Non, j'ai une bonne partie. Ouais. Mais Circle, par exemple, là, il n'y a pas d'intervention extérieure, quoi. Voilà, Circle, je l'ai fait entièrement tout seul. Comment ça se passe ? C'est quoi ton mécanisme de composition ? Alors, de bosser tout le temps, voilà. Tous les jours, toutes les nuits, depuis 20 ans. Donc, je bosse tout le temps et dès que je ne fais pas du rock, je fais de l'électro, mais je bosse tout le temps. Donc, ce qui fait qu'en fait, je cherche tout le temps des riffs. La Circle, l'idée, c'était juste, j'ai trouvé juste une petite séquence et pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom. Et à partir de ça, j'ai construit tout le morceau autour, okay, de cette séquence-là. C'est ce que je voulais. Je voulais quelque chose de simple dans un sens, mélodiquement, finalement, qu'on complexifiera après. Voilà. Et quelque chose d'accrocheur et surtout très bourrin, en fait. C'est ce que je voulais, ce que j'ai fait avec Bombec aussi en fait. Et quand il s'agit de reprises, vous faites quelques reprises qu'on peut voir sur votre chaîne, sur votre page Facebook, sur YouTube aussi je crois. Comment ça se passe? Parce que c'est quand même assez rare pour un groupe de ce style-là d'avoir de faire des reprises. Je vais parler de la première reprise qu'on a fait. Mathieu parlera de la deuxième. La première reprise qu'on a fait, c'est 28 jours plus tard. Le thème principal. En fait, c'est parti d'un constat assez simple, c'est que grossièrement, les grilles d'accords et la mélodie, c'est quelque chose qui pouvait éventuellement nous ressembler. Et je me suis dit que voyons voir ce que ça pourrait donner. C'est parti de cette idée toute simple. Et la deuxième, Mathieu va vous en parler. Bon, alors j'en parle aussi. Bon. Ouais, c'est vrai. Donc la deuxième, en fait, c'est sur la demande en fait d'un fan quelque part qui nous a donné un morceau à reprendre. Ok. Voilà. Et d'ailleurs, on le remercie. De quoi? C'était le titre du morceau, oui. C'est Mansfield TIA. Je sais pas comment ça se prononce. Et le titre, c'était Et demain déjà. Mansfield, on l'aurait pas repris, c'était une sorte de défi, voir si en fait on était capable de reprendre quelque chose à notre sauce assez facilement. Mm-hmm. Dedans, il y a du. J'ai essayé d'être un peu original en mettant des parties un peu drum and bass, comme après je check pas mal tout ce qui est électro et tout. Je me dis, tiens, pourquoi pas, c'est peut-être le moment d'en mettre en fait. Voilà, ça a été construit pareil. Après, moi j'ai. Je fais vachement de brouillon chez moi et tout. Donc, okay. C'est parti de ça. Et après, on l'a enregistré par nos soins. C'est surtout pas passé en studio et tout. Et la dernière, c'est Aphex Twin, parce que je suis sur fan d'Aphex Twin. Et je me suis dit, tiens, si on pouvait faire une reprise d'Aphex Twin, il n'y en a aucune qui est possible. Peut-être la chanson qu'on a reprise et une autre. Mais il n'y a quasiment rien qui est reprenable d'Aphex Twin. On a décidé de faire ça. C'était... en toute simplicité, quoi. Voilà, c'était comme une sorte de petite interlude pour faire un peu plaisir aux gens, quoi, finalement. Il n'y avait aucune ambition là-dedans, quoi. Tu parles interlude parce que Circle 2006, mm-hmm. l'album 2017, mm-hmm. qu'est-ce qui s'est passé pendant tout ce temps? Moi, j'ai cru un temps que ça s'était arrêté. Non, pas du tout. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ce temps? Déjà, en fait, on a changé de membre et on a... Surtout, moi je suis super chiant pour des trucs comme ça. Je me suis dit, il faut vraiment qu'on se trouve un nouveau son. Finalement, en fait, ça a impliqué presque tout ce temps-là, sachant qu'on bosse à côté, on n'est pas intermittent. Hein. Mm-hmm. Voilà, on bosse à côté. Donc, le créneau classique de sortir un album tous les 3 ans, c'est des fois très bien pour les gens qui font que ça. Nous, on bosse à côté. Là, l'album, le prochain arrivera avant. Enfin, je l'espère de toute façon. Voilà, c'est bien parti. Ne fais pas trop de promesses quand même, on sait jamais. Non, et après, c'était surtout renouveler complètement le son tout en étant dans notre son. Mm-hmm. Voilà, l'inclusion de samples, l'idée de tout ça en fait. Moi, je me suis dit, on sort rien tant qu'on n'a pas quelque chose de vraiment bien en fait. Voilà. Donc, quitte à que ça prenne tout ce temps, moi en parallèle, j'ai appris plein de trucs. J'ai creusé vachement l'électronique et tout ça. Donc, je me suis jamais senti. Pendant ce temps-là, j'ai toujours fait à fond de musique, quoi. Voilà. Ça fait une petite vingtaine de minutes, un peu plus que 20 minutes. Je propose de passer à une seconde chanson. Qui donc c'est évidemment sur votre dernier album là. Tout ce qu'on va écouter, ça sort du dernier album, même Partie Odyssée, qui est donc une version du dernier album, puisque même si c'est une chanson qui était déjà dans Circle et qu'on a eu en différentes versions, dans une version Lockdown assez sympathique, version donc qui doit avoir un an, quelque chose comme ça, dans la version pendant le confinement de Partie Odyssée. Oui. C'était difficile à mettre en place ça? Du tout. Du tout. Non, alors on va exprimer comme un certain ego, mais non, mais pas du tout, parce qu'en fait, les morceaux, depuis le nombre d'années, on les tient bien. Donc, ouais. On pouvait pas se voir, donc finalement, en fait, on a fait ça simplement avec un téléphone chacun. Okay. On a mis ça en place. Non, pas du tout. Non, c'était pas compliqué à mettre en place. Je propose de faire une petite pause avec Last Chance, qui est l'avant. Dernière chanson de votre album, sachant que Partie Odyssée est la dernière chanson de votre album. Je vais commencer par la fin comme ça. Je t'en prie. Je suis un peu. Mais je t'en prie. Je casse les codes de la société. Complètement. Voilà. Last Chance, c'est parti. I opened to see but crossed your mind. I don't know what happened. Donc Last Chance par la fin de la société telle que nous la connaissons, c'était la deuxième chanson qu'on écoutait aujourd'hui, il en restera une troisième, vous inquiétez pas, pour continuer à écouter ce magnifique groupe qui a déjà 22 ans. Et oui, on en parle de l'album, 13 chansons, ce qui est quand même, ça fait longtemps que j'ai pas vu un album sortir avec autant de chansons, aujourd'hui ça culmine à 8, 9, 10 grand maximum, et donc des anciennes chansons aussi, comme Par la Racine, comme qu'on a écouté aller au Parti Odyssée, qu'on a écouté tout à l'heure. Odyssée aussi. Ouais. Comment s'est passé pour l'enregistrement de cet album-là? Pour l'enregistrement, on a essayé de prévoir d'enregistrer les guitares à la maison déjà. En fait, on a utilisé une technique qui s'appelle le reamping, c'est-à-dire qu'on s'est enregistré les guitares pratiquement en son clair chez nous, quoi. Mm-hmm. Et puis après, on les a le jour où on est allé en studio, le temps qu'on a passé en studio, qui est un temps forcément où qui a un certain coût en fait, mm-hmm. On a refait passer les guitares dans les amplis pour enregistrer avec le son du studio et les micros de studio. Donc déjà sur ça, c'était un temps gagné à Laguna à Biarritz, le studio de Laguna à Biarritz. D'accord. Voilà. Et après, on a essayé de gérer l'enregistrement avec Chabi, donc de Laguna, qui est très sympa et qui a vraiment super bien géré le son avec nous. Il a écouté nos envies. Christophe était aussi en direction artistique sur pas mal d'aspects. Et puis après, le mastering s'est passé à Globe Audio à Bordeaux. C'est un super studio de mastering qui est vraiment dédié à ça, avec un matos incroyable et un ingénieur du son dont Christophe pourra parler parce qu'il est allé, en fait, j'y étais pas avec lui, mais c'était une expérience incroyable. Ce qui fait qu'on a pu avoir un son qui nous plaisait, quoi. Voilà. Et du coup, c'était votre première expérience dans un studio pro avec des ouais, l'enregistrement studio. Enfin, on avait fait peut-être un morceau Rodolphe une fois à un studio à Manita, ouais, un morceau comme ça, mais là c'était une vraie expérience pour un album, et donc on a dû penser à tout en amont, essayer de prévoir bien tous les arrangements, les parties, comment on double les guitares, comment même faire une mise à plat de l'album avant d'y aller. Mm-hmm. Et donc tout ça a été bien réfléchi. C'est pour ça qu'on a pris du temps aussi, parce qu'en fait, comme l'expliquait Christophe tout à l'heure, il a fallu tout penser en amont pour que le jour où on arrive en studio, on soit prêt, on sache ce qu'on veut. Les textes sont en anglais, enfin, quand il y a des textes, parce que vous faites beaucoup d'instrumental. Oui, il y a quelques instrumentaux, mais c'est vrai qu'on... Voilà, après moi j'ai écrit pas mal de textes avec Christophe. On se réunit pour faire des textes en fait ensemble. Mmh. On fait des ping-pong sur des mots. On a peut-être une idée de départ. Voilà, Circle, on avait l'idée du cercle thème et du coup on est parti sur plein d'idées. On a un morceau sur les bonbons, les bonbecs qui rappellent l'enfance, etc. Donc nous deux on essaie de trouver pas mal de mots et de les mettre dans un certain ordre, et puis surtout les sonorités. On essaie de bien placer les mots au bon endroit pour que ça sonne en fait. Voilà. Et pourquoi en anglais ? Ben, l'anglais, c'est on écoute beaucoup de musique anglo-saxonne comme beaucoup de gens, et du coup les sonorités anglaises nous plaisaient au départ, on s'est pas trop posé de questions. Mais on n'est pas fermé, après on a eu quelques morceaux en français, quelques petits passages en français, on fait ce qui vient. On va passer à la partie matos, ça c'est ce que nos auditeurs les plus aguerris attendent. Alors pour avoir le son de la fin de la société, on va commencer par Mathieu, c'est toi qui as le micro, qu'est-ce qu'il me faut ? Qu'est-ce qu'il nous faut pour faire le son de la société ? Pour avoir ton son. Ah, mon son de guitare, j'ai un ampli que j'ai depuis plusieurs années maintenant, qui s'appelle le Dual Rectifier Mesa Boogie. Mm-hmm. Donc il y a un ampli qui envoie du gros son en fait, donc c'est ça ce qu'on cherchait au départ. Et après une Flying V Gibson, voilà, moi j'ai une Gibson Flying V, donc en forme de V. Hein. Et c'est une guitare que j'ai depuis des années aussi, et qui a un super son, qui est bien aussi dans les solos, dans les aigus, et dans un son clair aussi, qui a un son assez cristallin et précis. Mais le son du Mesa Boogie, il a pas mal de canaux et un son très distordu. Et moi j'avais flashé sur ce son. Je crois que Gojira avait eu ces amplis-là aussi une année sur l'album From Mars to Sirius, je crois. Et donc j'avais dû voir ça et ça m'avait donné envie d'acheter cet ampli. Voilà, donc ça c'est mon son. Après Christophe va parler du sien. Chris, du coup, toi, qu'est-ce que alors, tu peux moi, nous dire ? Alors moi, j'ai un JCM 900 qui a été retapé. Voilà. Et après, j'ai une Jackson que j'ai essayé de customiser, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui est d'origine, voilà, ni le Floyd Rose, ni le micro. Le micro, c'est un MG81, donc du coup, ça contraste un peu avec le JCM 900, même si le JCM 900 que j'ai, il balance plus la purée qu'un JCM 900 classique. Et avec le MG81 derrière, ça envoie sec. Mais moi, j'ai carrément coupé tout. En fait, j'ai gardé que le micro chevalet. Le bouton volume fini, quoi. Voilà. Et pas de pédale, du coup, les deux ? Non, moi, j'ai rien du tout. Parce que j'ai aussi un sampler dont je me sers sur scène, que je dois balancer à la main. Donc, en fait, il faut que j'arrive à me mixer des parties que je peux jouer qu'avec la main gauche, et je ne fais pas rentrer la guitare rythmique avec la main droite. Et la main droite, en fait, j'appuie sur le sampler. Donc, j'ai des passages où, en fait, je joue avec la main gauche et j'envoie les samplers avec la main droite. Ce qui fait qu'en plus, je me dis, si je dois balancer des pédales en plus, soit je me casse la gueule ou il y a un truc qui ne va pas aller, quoi. Donc, c'est pour ça qu'en fait, on a essayé d'aller direct à l'essentiel. Parce qu'on a beaucoup de choses. Nous, on a deux samplers. Fanny, elle a un sampler que je balance au pied. D'accord. Moi, j'ai un sampler que je balance à la main. Le batteur, il est branché. Il a une partie qui est électronique sur sa batterie. Le violoncelle, il est électrique. Donc maintenant, on a fait le choix de ne pas prendre de pédale parce que l'install, elle va commencer à être trop longue. On joue dans des endroits, des fois, où... il faut que l'installation elle soit assez rapide, ça va commencer à être long, quoi. Et on n'a pas trouvé, on s'est trouvé un équilibre de composition à faire comme ça. Voilà, pas de whammy, pas de wah-wah, pas de trucs comme ça, quoi. Parce que du coup, le but c'est quand même de retranscrire l'album sur scène. Exactement, exactement. Voilà, c'est ça. Donc nous, on a fait le choix de pas prendre de pédale pour. Moi, je vois ça comme une contrainte en plus, quoi. Voilà. On s'est dit que nos pédales, finalement, ça serait peut-être les samplers. Ça n'aura pas du tout la même utilité, mais c'est autre chose. C'est comme, voilà, il y a des groupes, on leur dit pas, par exemple, pourquoi vous mettez pas de sampler. Mm-hmm. Voilà. Nous, en fait, on trouve aussi légitime que de mettre des pédales, quoi. Est-ce que vous pouvez me parler du violoncelle de Fanny ? Il est aussi, c'est un son pur. Il a des choses derrière pour pouvoir rentrer dans ce... Alors dire ce monde un peu métal. Ouais, en fait avant on utilisait un violoncelle acoustique, mais étant donné que nous ça tape quand même fort et que le volume il est fort, en fait il y avait une espèce de repisse par le micro qui fait que ça l'arsenait et tout. Et puis même j'ai envie de dire, c'est presque sociologiquement en fait, ça colle pas en fait. Le coup d'amener un violoncelle acoustique dans un milieu métal où on joue des fois à 3h du matin avec l'ambiance qui va avec, le violoncelle, on avait un peu peur de ce qui allait se passer. Quoi. Voilà. Des fois dans des endroits humides, enfin, c'est un peu underground quand même. Voilà, on s'est dit, il faut trouver quelque chose. Donc le violoncelle électrique, il passe vachement mieux. Il n'y a pas les repisses qu'on aurait avec un micro et le son, il rentre vachement plus dedans, quoi. Il y a un côté, alors attention, les pauvres violoncellistes, on adore le violoncelle acoustique, mais des fois, il y a un côté un peu peut-être nasillard sur un violoncelle acoustique qu'on ne va pas voir sur un violoncelle électrique. Du coup, nous, c'est vrai que ça, ça rentre mieux dans le son, quoi. Voilà, en live, c'est mieux. Elle, autrement, elle passe simplement par un DI, elle a un retour, elle a une réverb qu'elle a sur le violoncelle, fini. D'accord. Voilà. On va passer au sujet qui fâche, hein, de faire une dernière pause. Le Covid, ça vous a beaucoup impacté ? Du tout, j'ai adoré. C'est horrible. C'est, non, alors, moi, pour ma vie de geek musicien, c'est arrivé pile quand il fallait, alors bien sûr, apprendre avec des pincettes ce que je dis, mm-hmm. mais si je parle pour moi, moi ça a été idéal, c'est-à-dire qu'en fait j'avais on avait plein de riffs, on avait plein de trucs, j'étais en plein dans la pas finalisation de la composition, mais dans la composition du nouvel album. Mm-hmm. Là, ça m'a permis, d'état, ils mettent un truc en place qui fait qu'on ne peut plus d'avoir d'interaction sociale. Tu es obligé de rester chez toi face à ton instrument. Enfin, pour moi, c'était pour moi idéal, en fait. Voilà, c'est arrivé nickel, quoi. Et Mathieu, pour le groupe, ça ne vous a pas empêché de jouer? Ça ne vous a pas annulé des dates? Si, bien sûr. Pour contraster avec ce que dit Christophe, nous, voilà, les concerts, c'est... On se pose des questions actuellement pour la reprise des concerts dans ce style-là, métal, rock, voilà, c'est quand même une énergie où on aime bien sauter les uns sur les autres, faut le dire, voilà, on a passé tous des super concerts en tant que spectateurs à faire des pogos, voilà, cette énergie-là, la sueur, comment ça va se passer avec le Covid, on espère que voilà, si ça évolue dans le bon sens, qu'on pourra reprendre les concerts au plus vite. Et on avait des concerts qui étaient programmés, qui j'espère seront reportés au Burubels Festival notamment, ou d'autres concerts voilà, qui commencent à arriver. Ça nous a vraiment coupé dans cet élan. On fait une dernière pause. On est à 36 minutes pour l'instant. On va écouter Rescue, pour laquelle vous avez sorti un clip il y a un an, deux ans. Oh, il y a deux ans bientôt, deux un ans. An et demi, deux ans. Ouais, c'est ça. On écoute ça et on parle du clip après. Tout à fait. Et on se rejoint donc pour cette dernière partie dans Non Essentiel. On est avec la fin de la société et puis on va passer aux questions subsidiaires, on va dire. Alors, vous me parliez d'un prochain album, on peut en savoir plus sur cet album ? Oui, on a un prochain album en préparation, même en bien avancé. Comme Christophe disait tout à l'heure, il a pu, je ne sais pas s'il a dit, ou si c'était entre la, pendant la diffusion du morceau, qu'il a pu travailler pendant le confinement justement sur l'aboutissement des compositions, les arrangements, la production comme il aime bien faire. Et, c'est des morceaux qu'on avait commencé avant le confinement, mais qu'il a bien pu avancer, une dizaine de morceaux, c'est ça à peu près, ouais, ouais, voilà. Donc on ne sait pas encore quand ça verra le jour, on essaie de bien le préparer aussi, mais on va essayer de moins tarder que pour le dernier. on promet. Donc là vous êtes en phase de composition, ensuite ce sera donc enregistrement vous avez fixé un studio, toujours le même? Non, pas encore, mais disons que là on se met les morceaux dans les mains, on va reprendre les répés bien là. Et puis après voilà, une fois qu'on les a vraiment aboutis dans les mains et qu'on les a, parce qu'on va les faire, essayer de les amener à maturité en les jouant, ouais. Et trouver aussi, finaliser les paroles et le chant, etc. Et quand ça sera bien prêt, là on va essayer de voir comment on peut, voilà, bien s'autofinancer pour ça, faire le truc bien, voilà. Parce que du coup là, donc il y a une première phase de compo, ensuite vous les jouez ensemble pour les finir en mode, on va dire, live. Ouais. Et une fois que ça c'est bon, paf, on passe à l'enregistrement. Ouais, bah ouais, oui, parce qu'il faut que les morceaux ils vivent aussi quand on les joue en répé, etc. Parce que souvent on les compose, voilà, à deux, à trois, ou Christophe aussi apporte ses parties et tout ça de son côté. Et après, le fait de les jouer ensemble et de trouver chacun un petit peu ces différentes façons de les jouer en live, etc., ça peut apporter des petites choses. Et on aime bien aller jusque-là pour ensuite être prêt pour l'enregistrement et être content après de les jouer en live, qui soit le plus proche aussi de ce qu'on fait en live, quoi. Ouais. Petite question qui a peut-être fâché, est-ce que vous avez des concerts de prévus ? Ben, pas pour l'instant, non. Mais on attend de voir un peu comment vont reprendre les programmateurs, quoi, comment ils vont s'y reprendre. Là, c'est tout nouveau. Voilà. On ne sait pas trop en fait dans quelles conditions ça va être possible. On sait qu'on avait des dates prévues avant le confinement. On espère qu'ils vont nous rappeler dès que ça sera possible d'organiser. Et puis après, nous, on va se remettre dans une phase de démarche aussi. Voilà. Je vous passe Christophe qui va vous en dire plus. En fait, nous, on s'est complètement... moi, pour ma part, je me suis complètement foutu dans la compo du CD. Donc, du coup, en fait, on n'a pas... voilà, comme dit Mathieu, en fait, avant, on avait des dates qui étaient prévues, qu'on nous a annulées parce qu'arrivait le confinement. Là, maintenant, en fait, on nous parle beaucoup de jauge, de masque, de boue. On ne sait pas où on en est, vraiment. Donc, en fait, moi, je continue dans le même délire. C'est-à-dire, voilà, je continue les arrangements et tout ça, essayer de vraiment finaliser ça. Comme dit Mathieu, là, en fait, nos parties, toutes individuellement, on les a. Voilà, maintenant, en fait, c'est vrai qu'on ne les a pas vraiment fait tourner ensemble. Ça a été, c'est composé, majoritairement avec une guitare, un clavier, et quand on va l'un chez l'autre, j'enregistre le violoncelle comme ça rapidement, mais on l'a pas fait tourner ensemble, quoi. Donc voilà, nous ce qu'on veut, c'est principalement arriver à sortir quelque chose avec un son de ouf, voilà. C'est ce que je veux, moi, en fait. Avant de finir, est-ce que vous avez un artiste à conseiller, Mathieu? Alors de mon côté, moi, c'est pas métal, mais j'écoute pas mal de folk alternative, et l'artiste L'Aurore, qui est passé à la Tabale il y a pas longtemps, aussi, avant le confinement. L'Aurore, L-O-W-R-O-A-R, voilà. Il va sortir bientôt un album aussi. Je vous invite à écouter, c'est vraiment super. Voilà. C'est un mélange de folk électro avec une voix à la Tom York de Radiohead, avec des arrangements électro, et qui est très musical. Voilà. Alors on est en faux direct, mais par la magie du montage, je vais pouvoir rajouter un peu de L'Aurore. Oh, c'est magnifique, magnifique, Matine. Technologie. On est en 2021. Ah ouais, mais là on sent qu'on est en 2021 quand tu nous dis ça. Christophe, peut-être ? Ouais. Moi j'écoute quasiment pas de métal. Voilà, si ce n'est des trucs très steak, genre Meshuga, tu vois. Voilà. Donc en fait, ce que j'ai à conseiller, moi un truc qui m'a transformé, ça serait l'album de Burial qui est Untrue. Ok. Ça serait quoi, un mélange de UK garage, début du dubstep, mais pas dubstep tel qu'on l'entend, pas Skrillex, quoi. C'est le début du début. C'est un mix de ambient, trip-hop, UK garage, londonien. C'est un mec, en fait, qui a eu, je trouve, totalement intemporel. C'est un truc qui est sorti en 2007, si je ne me trompe pas. On peut l'écouter cette année, ça ne changera rien. Et dans 20 ans, ça ne changera rien. Il y en a qui font du yoga, des fois, pour se sentir bien ou quoi. Très bien pour eux. Moi, j'écoute Burial. Bon. Burial, c'est un mec, en fait, qui fait des productions tout seul, qui garde, en fait, le... qui donne pas vraiment son identité, donc okay. On le voit pas, voilà. Et ce mec-là, en fait, a l'idée, en fait, de prendre des bouts de cover a cappella sur Internet, okay. Voilà, qu'il arrive à inclure dans ses titres, okay. Et on arrive à quelque chose de, moi, je trouve magistral. Voilà. Après, faut aimer, mais voilà, en coupant en fait des bouts de phrases de venant de différentes covers de personnes totalement inconnues, okay. En fait, il est arrivé à créer un album où je crois qu'il a été il a eu le Grammy, il me semble, en 2007. Bref, voilà. Il a été du moins album électronique de l'année. Quoi. Et sans que le mec vienne, il n'y a aucun journaliste. Je crois qu'il est interviewé par le Guardian, c'est tout. Quoi. On n'a jamais eu de nouvelles de ce mec-là. Et c'est un mec qui est sur le label Hyperdub. Et je trouve totalement intemporel. Voilà, il y a des sons de Metal Gear Solid dedans. okay. Avec ça, il arrive à faire un album que je trouve complètement ouf. Voilà. Là, par exemple, si vous voulez vous mettre un peu à ça, écoutez la chanson Archangel de Burial. Alors, j'imagine que quand je dis ça, la chanson elle va partir comme on est en 2021. C'est ça, ouais. En 2021, le magie du montage, encore une fois. Deux fois dans la même émission, ah ouais, c'est génial. Incroyable, ça. Là, c'est-à-dire que je pars sur du Burial, en fait. Voilà. Voilà. Ok, génial. Tu parlais de Grammy, ça m'a fait penser à une petite question. En deux mots, le dernier Gojira, Grammy ou pas Grammy? Grammy ou pas Grammy, mais alors je suis pas l'actualité trop métal, donc est-ce qu'il y en a d'autres qui méritent le Grammy? Je sais pas, les pauvres. J'en sais rien. Je sais pas, le son est ouf. Voilà, Gojira, ils sont fidèles à eux-mêmes. Je trouve qu'ils arrivent à évoluer tout en gardant leur son. Après, j'avoue que je ne l'ai pas trop écouté, mais je connais très bien Gojira. Donc, je n'ai pas eu besoin de beaucoup d'écoute pour m'imprégner après de la vibe de l'album. Moi, le dernier Gojira, je dis oui. Toi, tu dis oui? Ouais, je dis oui. Et surtout pour le son, en plus. Mathieu, tu l'as écouté? Moi, je valide totalement le dernier Gojira. J'ai adoré. Voilà, je trouve l'évolution est bien maîtrisée. J'ai une préférence pour Into the Storm, le morceau où Mario commence avec un espèce de riff que j'ai mis du temps à comprendre. Et c'est un morceau bien efficace, tout ça. Voilà, je vous invite à écouter Into the Storm, qui m'a bien mis une claque quand je l'ai écouté en matin en me réveillant. Et voilà, ça m'a foutu la pêche pour la journée. Pour finir, où est-ce qu'on peut écouter la fin de la société telle que nous la connaissons? Où et ou comment ou... Ben, sur toutes les plateformes, on s'est mis en 2021 au streaming. Yeah. Voilà, donc, on a encore des CD aussi, si vous en voulez, vous pouvez nous contacter sur notre page réseau social, comme vous le savez. Et voilà, après, on peut nous écouter bientôt en live, j'espère. Eh ben, c'est le mieux, c'est le mieux. En tout cas, Mathieu et Chris, je vous remercie et je vous souhaite tout le bonheur du monde pour la fin de la société telle que nous la connaissons. Ouais, c'est un mix de Sins Emilia ça et de la fin de la société ça. C'est vrai. Ça remonte ça aussi. Ouais. Hein. Et j'espère vous voir bientôt. Mais t'inquiète pas, tu seras là. Ouais. Salut. Merci.